Noël est un jour comme les autres. Oui! La messe de minuit, oh si que c'est dole. Le vieux pédophile en soutane est heureux de voir autant d'enfants dans maison de Dieu. La chorale des grosses matantes chante des cantiques de cave. Les bonhommes cochons checkent le cul des petites lottes de 16 ans pis ils bavent. Les flots impatients qui n'ont rien à crisser, pensez qu'au cadeau pour rigoter. Chris de petit mongol à marde, me semble qu'il y a des volets qui se parlent. Tantôt rentrant à maison, j'irai bien dormir dans mes draps. Mais non! Y'a l'hostie de réveillon. Faut manger des tabarnak dans ton corps. Mais calme-toi que je me dis, on est mieux que ben d'autres. Pense que Noël est un haut comme les autres. Pour le tinec qui a faim. Le petit nègre, il croit pas en Jésus, le petit nègre. Il reste en Afrique, il a faim, il est maigre. Encore quatre cadeaux qu'il faut que j'achète. C'est plein de monde partout, ça capote bien raide. Il me reste rien qu'une heure, m'a pété aux frettes. Partout les speakers crachent Bruno Pelletier qui chante Noël. Claude Dubois, Sylvain Cossette, Mario Pelchot, Marie-Michel. Qu'est-ce que je les sloggerais toute la gang? Je sortirais mon slingshot et flingue. Les bosses sur leur crâne seraient plus belles que toutes ces Saint-Cyboire de boules de Noël. Mais je reste là planté entre deux ma caisse. Je fais fil comme eux autres pour passer à la caisse. Que c'est que je fais là? Tout ça est grotesque. Qu'est-ce que je ferais une ligne de mesque? Mais les nerfs, portés à terre, c'est pas plus grave que ça. Parce que Noël est un haut comme les autres pour le tinec qui a le sida. Ok, Rénal! Ok! Et tout le monde, François, on fait du bruit! Ouais! Ok! Le lendemain de Noël, tout le monde capote, dehors les crétins retournent dans les magasins, encore des aubaines n'a pas manqué! Moi, je reste à la maison, je suis sur le lendemain de brosse. Pense à la fille du IGA, j'sors ma graine pis j'me crosse. Pendant ces quelques secondes au moins, on dirait que j'ai moins mal à la tête. Et que le tabarnak de ton défaite est ton fin rendu loin. Le gros vieillard barbu rouge tomate, les parties de famille super plates. Et ma tante qui se force pour finir leurs assiettes pis après les fêtes, se mettre à diète. Regarde un peu autour de toi, les fêtes sont atroces. Tout le monde se force pour être souriant, mais on se fait chier à l'os. Et c'est Noël pour nous autres, c'est l'apothéose de notre insignifiance. Console-toi en pensant que pour le nègre en Afrique, c'est un autre jour d'indigence. Le petit nègre, il meurt, on s'en tabarnak, on est plein de cadeaux. Merci, mon oncle Serge. Ouais. Merci. Oh, 640-25-75. Oui. Alors, c'est bon, c'est excellent. Merci, Rénal. Merci d'être venu à l'Errance canadienne pour une deuxième fois. Merci, Rénal.